D'ici là, passez un très bel après-midi et un très bon samedi. Vous écoutez La Première, voici tout de suite Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de La Première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Je suis le commandant Massoud de la vallée de Panjshir en Afghanistan. البته جنگ در مناطق افغانستان در هر نقطه فرق میکند چی در مناطق کوهستانی در شهرها و در اراضی هموار cette semaine l'Afghanistan d'une monarchie constitutionnelle à un chaos institué l'interminable état de guerre. Alors pour le moment, si vous voulez, les forces russes détruisent tout ce qu'on peut détruire. Nous avons ouvert la semaine, rappelez-vous, avec un Joseph Kessel déambulant dans les rues de Kaboul. C'était une archive extraite du célèbre magazine 5 colonnes à la une. C'est également Joseph Kessel qui résonnera dans la journée d'aujourd'hui. Tout simplement parce qu'un jeune homme de 29 ans s'est un jour décidé à tout plaquer pour partir à l'autre bout du monde, au moment même où ce bout du monde est dans la situation la plus exposée, la plus explosive qu'il soit. Il en a rapporté un document étonnant qu'Irène Chalon a sélectionné pour vous. Aujourd'hui, entretien et rencontre avec le producteur de l'objet en question, un certain Daniel Lecomte. Au cas où vous ne remettriez pas tout de suite le personnage, il va se faire un plaisir de se présenter à vous comme un grand Daniel Lecomte. Bah écoutez, j'ai 53 ans et donc j'ai à peu près commencé dans ce métier il y a une trentaine d'années. J'ai été tour à tour journaliste de presse écrite, grand reporter pour Libération, Le Monde diplomatique, ensuite pour Antenne 2. J'étais ensuite directeur de l'information d'Arte et producteur d'un certain nombre d'émissions à la télévision, dont L'Histoire immédiate sur Antenne 2 avec Jean-Claude Guibaud, Zanzibar sur France 3, Transit sur Arte, et pour finir, De quoi je me mêle. Et par ailleurs, j'ai réalisé comme journaliste d'abord et ensuite comme auteur-réalisateur une quarantaine de grands documentaires, de longs documentaires de 52 minutes. Dont les axes ne sont pas forcément, ne répondent pas forcément, tout au moins en apparence à la lecture des titres, à une unité précise. On passe de Klaus Barbie à Bouddha, à Berlin ou à Lénine. Quel est l'axe? Quel est votre fil rouge? Si toutefois il y en a un. Écoutez, le fil rouge, c'était un peu, vous savez, quand vous êtes grand reporter, vous connaissez bien ça, c'est un peu de se précipiter partout où il se passe quelque chose. En gros, être là où les choses se passent. Malgré tout, j'ai eu plusieurs quand même passions comme ça. L'une qui est la Russie, que j'ai connue en 1980, au temps où c'était l'URSS et que j'ai suivi jusqu'à à peu près aujourd'hui, puisque j'ai fait plus d'une dizaine de films sur la Russie. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Beaucoup aussi sur l'Algérie, pour d'autres raisons, à la fois parce que j'y suis né et puis parce que je m'y suis intéressé beaucoup. Voilà, c'est à peu près. Et puis évidemment, beaucoup sur les États-Unis pour d'autres choses. J'y suis lié par ma femme et par mes enfants qui sont franco-américains. Donc voilà, c'est un peu mes centres d'intérêt. Mais autrement, pour le reste, c'est un peu. Je vais là où j'essaie d'y aller là où j'ai envie de voir les choses, où j'ai l'impression que les choses se passent et où j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Vous êtes né en Algérie et y avez grandi jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc au moment d'un départ obligé? Non, justement, ce qui me plaît assez dans tout ça, c'est que mes parents sont partis, ont décidé de partir en 57-58, à l'époque où ils ne l'étaient pas encore. J'aime assez cette idée d'avoir le choix encore, et ils m'ont inculqué ça, de pas subir, de pas être le jouet des circonstances, mais aussi de choisir un peu comme ça sa vie. Et c'est un bel exemple qu'ils m'ont donné cette fois-là quand ils ont considéré que 57-58, il fallait plus être là. Il y avait beaucoup d'intuition, beaucoup de flair, ce qui nous a évité de rester jusqu'en 62. Il s'appelle Daniel Lecomte, il a été grand reporter dans ses vertes années et même un peu plus tard. Et puis la notoriété est venue, l'âge également, cette somme de petites additions qu'on appelle une vie, l'ont entraîné à devenir président. Président de deux maisons de production, Doc en stock et Film en stock, reliés filialement, on oserait presque dire, avec le rejeton d'Hergé, Tintin. N'est-il pas vrai, Daniel Lecomte, 1 000 000 de 1 000 sabords. Exactement. Mmh. Vous voyez comme quoi il y a un peu de cohérence dans tout ça. Mais Doc en stock, c'était vraiment, oui, c'était vraiment l'idée de faire un clin d'œil à Tintin, puisque bah, vous imaginez bien que ça a été pour moi une référence, quelque chose d'important. Bah écoutez, vous m'avez rendu mes albums, au fait. Non, j'ai pas. Non, vous savez, c'est la seule chose que je rends pas. Quelle est la philosophie de Doc en stock? C'est le petit reporter du petit 20e qui part à la découverte du monde. Oui, mais il y a, très honnêtement, j'aimerais bien que ce soit ça. Voilà, je dis pas que c'est ça, j'aimerais bien que ce soit ça. Aujourd'hui, ça se pose plus dans les mêmes termes parce qu'évidemment, l'aventure elle est là, mais elle est plus de la même façon. Ouais, Albert Londres sera dépaysé un peu. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Mais quand même cette idée que, bon, avant de parler de quelque chose, il faut aller voir. Ça aussi, c'est très important. Passer beaucoup de temps dans l'enquête, passer beaucoup de temps dans la confrontation entre ce qu'on peut avoir comme a priori et puis les faits, et puis être capable, s'il le faut, de changer en fonction de ce qu'on découvre. J'y attache beaucoup, beaucoup d'importance. Et puis, il y a aussi cette idée que, il n'y a pas forcément beaucoup d'occasions de vivre des aventures dans notre monde, et le métier qu'on pratique est un des métiers où justement l'aventure peut se vivre le mieux. Donc il y avait cette idée de dans Doc en stock, il y avait cette idée de rappeler par un petit clin d'œil que c'était un métier où l'aventure était là, quoi. C'est donc la philosophie que vous développez pour Doc en stock, et c'est certainement celle qui vous a fait apprécier l'histoire de Damien de Gueldre, qui co-signe avec vous ce sujet sur l'Afghanistan, la guerre pour de vrai, qui, il faut bien le dire, dans l'ensemble des documentaires que j'ai l'occasion de voir semaine après semaine, est pour le coup un ovni. J'ai 30 ans. Il y a à peine 3 mois, j'étais encore responsable de marché dans une grande firme de produits de beauté. Et puis, j'ai décidé de tout plaquer pour réaliser un rêve de gosse. Devenir grand reporter et suivre les traces de Kessel en Afghanistan. Je ne sais pas à quoi ressemble la guerre. Je sais à peine me servir d'une caméra, mais je suis là, c'est le principal. Avec moi dans cette aventure, 3 compagnons. Dodge, l'américain, un playboy débarqué tout droit de chez les Mormons de Salt Lake City. Oleg, le russe, aussi silencieux que Dodge est bavard. Il paraît que c'est normal pour un photographe. Et Alex, l'anglais, l'envoyé spécial pour Time Magazine. Je l'ai rencontré un mois plus tôt en Ouzbékistan. C'est à Mazar-i-Sharif, quand on rejoint Alex, que les deux histoires se rejoignent. C'est lui qui nous apprend la mutinerie à 15 km de là. Alex est sur le coup depuis le début. D'une drôle de façon, d'ailleurs. Alors qu'il file sur Bamiyan, son taxi tombe en panne, près de la forteresse. D'après Alex, il y aurait déjà de nombreux morts. La nuit tombe sur Mazar. De la fenêtre de ma chambre, j'entends le bruit des combats. J'ai hâte que ça commence. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il a 29 ans au moment où ça se passe. On est à peu près au mois de juillet 2001. Il est responsable de marché dans une grande firme de produits de beauté. Et puis, il en a un peu marre. Et puis, il dit, bah, finalement, j'ai envie de... Ça fait longtemps que j'ai dans la tête d'être grand reporter, d'aller en Afghanistan, sur les traces de Kessel. C'est le moment. Et puis, il part. Et puis, d'un seul coup, il s'arrête en Ouzbékistan, il attend le visa. Et puis, il y a le 11 septembre. Et puis, il y a la riposte américaine. Et à ce moment-là, il obtient son visa la veille du jour où la mutinerie se déclenche à la prison de Kalaidjangi à Mazar-i-Sharif. Et à ce moment-là, il rentre en Afghanistan et il va directement là-bas. Et il a une petite caméra, il ne sait pas s'en servir, mais il a des rêves plein la tête, il a envie de voir ce qui se passe, de voir si l'Afghanistan de la réalité ressemble à celui de ses livres, de ses lectures. Et là, il rencontre trois autres types, un photographe russe, un Perry du Time, et puis un freelance américain à la caméra. Et il va se retrouver pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines, dans l'enfer de Kalaidjangi à Mazar-i-Sharif. Farhad Dariya. Outré par les souffrances infligées à son peuple par les soviétiques, il s'engage dans ses chansons, d'abord au sein d'un groupe d'étudiants, puis tout seul. À l'arrivée des talibans, il fuit à Prague, puis en Hambourg, Paris ensuite, et enfin aux USA, où il réside actuellement. Il a produit presque 30 albums, soit en Afghanistan, soit en exil, et demeure la star incontestable au pays, comme pour la diaspora afghane. Farhad Dariya. منتظر ماندم چی روزها که برای تو منتظر ماندم چی شامها که بیاد توش سهر کردم چی شامها که بیاد توش سهر چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار چی بارها که تمنای بی سمر کردم چی بارها که تمنای به سمر کردم گوش جان من صبح آرزو دیگر جهان تران شیرین عشق میخوانم ستارگان هم نور امید میپاشن ستارگان هم نور امید می پاشد سپید ظلمت شب را زخیش می راند سپید ظلمت شب را زخیش می راند 1er décembre 2001, une dépêche annonçait qu'Amnesty International se montre préoccupée par la sécurité d'environ 80 prisonniers détenus par l'Alliance du Nord dans le nord de l'Afghanistan. C'est dans ce contexte que peu après débarque sur le théâtre de ces événements Damien De Gueldre. Il a tout plaqué pour partir là-bas en Afghanistan, sur les traces d'un Joseph Kessel, et il se retrouve dans un pays en pleine guerre, et cette guerre, il va la filmer. Non pas comme on filme la guerre, mais simplement comme lui la voit, comme il la ressent, sans la posture journalistique. Aujourd'hui, rencontre avec son producteur, Daniel Lecomte. Donc voilà, c'est ce côte à côte entre différentes forces, entre les Américains et les soldats de l'Alliance, donc entre les Américains et les Afghans, entre les Afghans et les Talibans. Et puis, au côté de ça, vous avez Damien et Petit Tintin à ses débuts, et puis ses compères. Et parce qu'ils sont un peu fous, parce que il est ce qu'il est et qu'il a envie de tout voir, de tout croquer, il reste là, il va se mettre sous le nez des talibans à filmer dans des conditions absolument incroyables, en n'ayant aucune idée même sans doute du risque qu'il court, avec une inconscience totale. Et du coup, il va voir des choses qu'on voit jamais. Il va appuyer sur le bouton et les rester le doigt appuyé sur le bouton à des moments où on coupe quand on est dans ces situations-là. Et on va découvrir un monde, à mon sens, qui n'est pas celui auquel on pense quand on pense à la guerre, qui n'est pas celui qu'on nous montre, qui n'est pas dans la mythologie que tout le monde essaye de nous servir sur la guerre. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché dans le film de Damien. La raison à la fois pour laquelle, en tant que producteur, j'ai voulu produire ce film, et puis en tant que réalisateur, l'accompagner, c'est que moi-même, si vous voulez, j'ai connu l'Afghanistan il y a très longtemps, au début des années 70, j'ai quasiment commencé comme ça, comme reporter, et c'était tellement vrai ce qu'il racontait, c'était tellement proche de ce que j'avais ressenti, et pas du tout conforme à ce que j'avais vu dans plein de documentaires sur l'Afghanistan ces dernières années, que ça me paraissait tellement vrai, à la fois dérisoire, parce que c'était ça la guerre, et puis en même temps, quelque chose de... Oui, il y avait de la grandeur aussi dans le comportement des Afghans, que j'avais ressenti aussi, mais pas comme celle qu'on nous présentait. Et puis aussi à titre personnel, parce que voilà, j'avais vécu cette épreuve du feu, moi aussi, mais c'était pendant la guerre du Cambodge et du Laos, à l'époque de la guerre du Vietnam, et où j'avais été pris comme ça dans une situation de tension extrême, et où les émotions qui m'avaient traversé à ce moment-là étaient quasiment les mêmes que celles qu'il avait traversées, lui, à 30 ans de distance. Et donc, du coup, ça me donnait beaucoup de sympathie pour tout ce qu'il faisait, et j'ai voulu le faire avec lui pour ça. Voilà, donc c'est ça un peu l'histoire. C'est ce qui m'a plu dans cette affaire. Les forces spéciales américaines sont arrivées. Bien sûr, j'ai envie de leur poser des questions, mais je veux pouvoir continuer à tourner. Alors, de peur qu'ils m'interdisent de le faire, je leur demande rien. Et chacun s'observe dans son coin sans se marcher sur les pieds. Les Américains scrutent la forteresse, alors moi aussi. Pour voir quoi, j'en sais rien, mais faut suivre. Ils semblent vouloir localiser leurs collègues. On se croirait dans un film. Hey guys, get out. Le quartier général prévient. La frappe est imminente. Comme tout le monde, j'attends. Je guette le bruit de l'avion ou du missile, sans savoir que l'avion vole à 10 000 mètres et que le missile va plus vite que le son. L'officier américain me tire en arrière. Derrière moi, c'est Najib qui hurle. Bref, on l'a échappé belle. L'affaire sent le roussi. L'officier américain s'éclipse. Quel bordel! Il y a un côté Tintin dans cette affaire. C'est ce qui m'a beaucoup touché, c'est-à-dire que c'est en ça que je me suis reconnu tout à fait dans cette histoire il y a 30 ans. Et c'est vrai qu'à 30 ans de distance, aujourd'hui, si vous voulez, les jeunes font les écoles de journalisme où on leur apprend ce qu'il faut dire et pas dire, comment il faut filmer, avec quel bon sentiment il faut filmer, voilà, dire du mal de quoi, etc. Il y a beaucoup de ça, moi je reçois beaucoup comme cette génération de jeunes qui sont formatés pour... Désigner les coupables. Oui, oui, désigner les coupables. D'ailleurs, comme ça, tout le temps, mais d'ailleurs avec des tonnes de bons sentiments. Et là, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est justement, il n'était pas passé par ce moule-là, donc il avait une fraîcheur du regard formidable. Il disait des choses avec parfois ce qui pouvait passer pour des monstruosités pour notre époque. Mais en même temps, c'est tellement vrai, quoi. C'était tellement ça que de ce point de vue-là, il est totalement atypique, ça c'est clair. On peut peut-être dire un mot, je ne pense pas qu'on passera du coq à l'âne, Daniel Lecomte, pour justement, le documentaire semble se porter relativement bien ces temps-ci, et en même temps, vous, est-ce que vous seriez tenté de tirer une sonnette d'alarme sur la vague moralisatrice qui couvre comme ça une grande partie des productions réalisées actuellement ? Écoutez, je ne vais pas cracher dans la soupe parce que tout le monde sait que je pense ce que je vais dire sur cette vague moralisatrice. Je la trouve insupportable. C'est-à-dire que, moi je trouve effectivement que c'est insupportable parce que, y compris les jugements que ceux qui regardent portent sur les films passent par là, ce qui au bout d'un moment est d'autant plus insupportable. On sait d'avance ce qu'on va dire d'un film s'il se range dans le camp, pardonnez-moi, du bien, plutôt que dans celui du mal ou dans celui des bien-pensants. Donc c'est terrible parce qu'il n'y a plus de surprise. Je crois que c'est plus que ou autant que l'attitude des diffuseurs, ce qui menace le genre un jour s'il doit être menacé, c'est ça. Je crois effectivement que ça c'est un des dangers, mais qui en même temps est même le reflet de notre époque. C'est-à-dire que bon, la dictature des bons sentiments l'emporte très largement un peu partout. L'ensemble Kaboul, fondé à Genève en 1995, se consacre à la musique traditionnelle afghane. Entre des mélodies aériennes et des chants inspirés des bardes tadjiks, entre de subtiles compositions pour le luth roubab et des envolées de flûte toula, le mélodieux parfum d'ensemble Kaboul peut également rappeler celui de la grande musique indienne. Il s'est entre autres produit dans le cadre du festival Note d'Équinoxe à Delémont en 2001. Espace 2 l'a intégré sur l'un de ses CD, Production Maison, dont nous écoutons ici un extrait. Oh, Vous écoutez Histoire vivante. Aujourd'hui, entretien avec Daniel Lecomte, producteur du documentaire TV « L'Afghanistan, la guerre pour de vrai » et dont nous écoutons tout de suite un autre extrait. Les francs-tireurs ont repéré les talibans. Ils tentent de les dénicher de l'endroit où ils se sont enterrés. Eux, ils ont des armes. Moi, ma caméra. C'est la seule différence. Il y a le bruit sourd des mitraillettes, le sol qui vibre. C'est intense. Je me surprends à aimer ça. C'est troublant, mais c'est comme ça. Il peut y avoir quelque chose d'obscène à entendre ça quand on est chez soi, à Paris ou à Genève. Mais quand on est grand reporter et que voilà, on a vécu dans une... C'est ça qu'on a dans la tête. Et pourtant, c'est évidemment, quand on dit ça, on entend, c'est j'ai hâte que ça commence, c'est-à-dire que la guerre commence, mais la guerre n'attend pas qu'on soit là, donc elle se fait sans nous. Mais lui, il a envie de voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est tellement loin de dire ça, si vous voulez, c'est à la fois obscène, mais en même temps, il ose le dire parce que c'est vraiment ce qu'il a vécu. Alors, aujourd'hui, dire ça, par exemple, ça serait... Je me suis posé la question d'ailleurs quand il me l'a raconté comme ça, comment ça va être interprété, qu'est-ce que vont penser les gens, etc. Puis ça a été plus fort que moi, je veux dire. Et que lui, on s'est dit, il faut le dire parce que c'est comme ça, c'est ça qu'on a dans la tête. Il y a aussi une attiration, il y a une attirance comme ça forte pour le danger, pour la mort. Pour, c'est propre à la nature humaine, pourquoi le masquer, pourquoi le cacher. Enfin bon. Donc il y avait. Il y avait tout ça qui se mélangeait, et au bout d'un moment, il y a des choses qu'on a presque hésité à faire, puis finalement, ça a donné ce résultat avec ce film, je crois, qui est assez proche de ce qu'éprouve un jeune de 29 ans qui débarque pour la première fois sur le front et qui se retrouve confronté à une guerre. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse Romande, Janine Mani. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Équipe de production à la TSR, Irène Chaland, assistée de Corinne Rochat. Une émission de Jean Leclerc. Écoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.